Le vampire de John William Polidori. Dans ce temps-là, paru au milieu des dissipations d'un hiver à Londres, et parmi les nombreuses assemblées que la mode y réunit à cette époque, un lord plus remarquable encore par ses singularités que par son rang. Son œil se promenait sur la gaieté générale répandue autour de lui, avec cette indifférence qui dénotait que la partager n'était pas en son pouvoir. On eût dit que le sourire gracieux de la beauté savait seul attirer son attention, et encore n'était-ce que pour le détruire sur ses lèvres charmantes, par un regard, et glacer d'un effroi secret un cœur où, jusqu'alors, l'idée du plaisir avait régné uniquement. Celle qui éprouvait cette pénible sensation de respect ne pouvait se rendre compte d'où elle provenait. Quelques-unes, cependant, l'attribuaient à son œil d'un gris mort, qui, lorsqu'il se fixait sur les traits d'une personne, semblait ne pas pénétrer au fond des replis du cœur, mais plutôt paraissait tomber sur la joue comme un rayon de plomb qui pesait sur la peau sans pouvoir la traverser. Son originalité le faisait inviter partout. Chacun désirait le voir, et tous ceux qui avaient été longtemps habitués aux violentes émotions, mais à qui la satiété faisait sentir enfin le poids de l'ennui, se félicitaient de rencontrer quelque chose capable de réveiller leur attention languissante. Sa figure était régulièrement belle, nonobstant le teint sépulcral qui régnait sur ses traits, et que jamais ne venait animer cette aimable rougeur fruit de la modestie ou des fortes émotions qu'engendrent les passions. Ces femmes à la mode, avides d'une célébrité déshonorante, se disputèrent à l'envi sa conquête, et à qui du moins obtiendraient de lui quelques marques de ce qu'elles appellent penchant. Lady Mercer, qui, depuis son mariage, avait eu la honteuse gloire d'effacer dans les cercles la conduite désordonnée de toutes ses rivales, se jeta à sa rencontre et fit tout ce qu'elle put, mais en vain, pour attirer son attention. Toute l'impudence de Lady Mercer échoua, et elle se vit réduite à renoncer à son entreprise. Mais quoiqu'il ne daignât pas même accorder un regard aux femmes perdues qu'il rencontrait journellement, la beauté ne lui était cependant pas indifférente. Et pourtant encore, quoiqu'il ne s'adressât jamais qu'à la femme vertueuse ou à la fille innocente, il le faisait avec tant de mystère que peu de personnes même savaient qu'il parla quelquefois au beau sexe. Sa langue avait un charme irrésistible. Soit donc qu'il réussit à comprimer la crainte qu'inspirait son premier abord, soit, à cause de son mépris apparent pour le vice, il était aussi recherché par ces femmes dont les vertus domestiques sont l'ornement de leur sexe que par celles qui en font le déshonneur. Vers ce même temps vint à Londres un jeune homme nommé Aubrey. La mort de ses parents l'avait encore enfant, laissé orphelin avec une sœur et de grands biens. Ses tuteurs, occupés exclusivement du soin de sa fortune, l'abandonnèrent à lui-même, ou du moins remirent la charge plus importante de former son esprit à des mercenaires subalternes. Le jeune Aubrey songea plus à cultiver son imagination que son jugement. De là, il prit ses notions romantiques d'honneur et de candeur qui perdent tant de jeunes écervelés. Il croyait que le cœur humain sympathise naturellement à la vertu, et que le vice n'a été jeté çà et là par la Providence que pour varier l'effet pittoresque de la scène. Il croyait que la misère d'une chaumière n'était qu'idéale, les vêtements du paysan étant aussi chauds que ceux de l'homme voluptueux, mais mieux adaptés à l'œil du peintre. Par leurs plis irréguliers et leurs morceaux de diverses couleurs, pour représenter les souffrances du pauvre. Enfin, il croyait qu'on devait chercher les réalités de la vie dans les rêves singuliers et brillants des poètes. Il était beau, sincère et riche. Par tous ces motifs, dès son entrée dans le monde, un grand nombre de mères l'environnèrent, s'étudiant à qui lui ferait les portraits les plus faux des qualités qu'il faut pour plaire, tandis que leurs filles, par leur contenance animée quand il s'approchait d'elles, et leurs yeux pétillants de plaisir quand il ouvrait la bouche, l'entraînèrent bientôt dans une opinion trompeuse de ses talents et de son mérite. Et bien que rien dans le monde ne vînt réaliser le roman qu'il s'était créé dans sa solitude, sa vanité satisfaite fut une espèce de compensation de ce désappointement. Il était au moment de renoncer à ses illusions, lorsque l'être extraordinaire que nous venons de décrire vint le croiser dans sa carrière. Frappé de son extérieur, il l'étudia, et l'impossibilité même de reconnaître le caractère d'un homme entièrement absorbé en lui-même et qui ne donnait d'autres signes de son attention à ce qui se passait autour de lui que son soin d'éviter tout contact avec les autres, avouant par là tacitement leur existence, cette impossibilité même permit à Aubrey de donner cours à son imagination pour se créer un portrait qui flattait son penchant, et immédiatement il revêtit ce singulier personnage de toutes les qualités d'un héros de roman et se détermina à suivre en lui la créature de son imagination plutôt que l'être présent à ses yeux. Il eut des attentions pour lui et fit assez de progrès dans cette liaison pour en être du moins remarqué chaque fois qu'ils se trouvaient ensemble. Bientôt il apprit que les affaires de Lord Ruthven étaient embarrassées, et d'après les préparatifs qu'il vit dans son hôtel, s'aperçut qu'il allait voyager. Avide de plus précises informations sur cet étrange caractère, qui jusqu'à présent avait seulement aiguillonné sa curiosité sans aucun moyen de la satisfaire, Aubrey fit sentir à ses tuteurs qu'il était temps pour lui de commencer son tour d'Europe, coutume adoptée depuis nombre d'années par nos jeunes gens de famille et qui ne leur offre que trop souvent l'occasion de s'enfoncer rapidement dans la carrière du vice, en croyant se mettre sur un pied d'égalité avec les personnes plus âgées qu'eux, et en espérant paraître, comme elles, au courant de toutes ces intrigues scandaleuses, sujet éternel de plaisanteries ou de louanges, suivant le degré d'habileté déployé dans leur conduite. Les tuteurs d'Aubrey donnèrent leur assentiment, et immédiatement il fit part de ses intentions à Lord Ruthven, dont il fut agréablement surpris de recevoir une invitation de voyager avec lui. Aubrey, flatté d'une telle marque d'estime d'un homme qui semblait n'avoir rien de commun avec l'espèce humaine, accepta cette proposition avec empressement, et quelques jours après, nos deux voyageurs avaient passé la mer. Jusqu'ici, Aubrey n'avait pas eu occasion d'étudier à fond le caractère de Lord Ruthven, et maintenant il s'aperçut que, bien que témoin d'un plus grand nombre de ses actions, les résultats lui offraient différentes conclusions à tirer des motifs apparents de sa conduite. Son compagnon de voyage poussait la libéralité jusqu'à la profusion. Le fainéant, le vagabond, le mendiant recevaient de lui des secours plus que suffisants pour soulager ses besoins immédiats. Mais Aubrey remarque avec peine que ce n'était pas sur les gens vertueux, réduits à l'indigence par des malheurs et non par le vice, qu'il versait ses aumônes. En repoussant ses infortunés de sa porte, il avait peine à supprimer de ses lèvres un sourire dur. Mais quand l'homme sans conduite venait à lui, non pour obtenir un soulagement de ses besoins, mais pour se procurer les moyens de se plonger plus avant dans la débauche et dans la dépravation, il s'en retournait toujours avec un don somptueux. Aubrey, cependant, croyait devoir attribuer cette distribution déplacée des aumônes de Lord Ruthven à l'importunité plus grande des gens vicieux, qui trop souvent réussit de préférence à la modeste timidité du vertueux indigent. Néanmoins, à la charité de Lord Ruthven se rattachait une circonstance qui frappait encore plus vivement l'esprit d'Aubrey. Tous ceux en faveur de qui cette générosité s'exerçait éprouvaient invariablement qu'elle était accompagnée d'une malédiction inévitable. Tous, bientôt, finissaient par monter sur l'échafaud ou par périr dans la misère la plus abjecte. À Bruxelles et autres villes qu'ils traversèrent, Aubrey vit avec surprise l'espèce d'avidité avec laquelle son compagnon recherchait le centre de la dépravation. Dans les maisons de jeu, il s'élançait de suite à la table de Pharaon. Il pariait et jouait toujours avec succès, excepté lorsqu'il avait affaire à l'escroc connu, et alors il perdait plus qu'il ne gagnait. Mais c'était toujours sans changer de visage et avec cet air indifférent qu'il portait partout. Mais non, lorsqu'il rencontrait le jeune homme sans expérience ou le père infortuné d'une nombreuse famille. Alors la fortune semblait être dans ses mains. Il mettait de côté cette impassibilité qui lui était ordinaire, et son œil étincelait de plus de feu que n'en jette celui du chat, au moment où il roule entre ses pattes la souris déjà à moitié morte. Au sortir de chaque ville, il laissait le jeune homme, riche avant son arrivée, maintenant arraché du cercle dont il faisait l'ornement, maudissant, dans la solitude d'un cachot, son destin qu'il avait mis à portée de l'influence pernicieuse de ce mauvais génie. Tandis que le père, désolé et l'œil hagard, pleurait assis au milieu de ses enfants affamés, sans avoir conservé de son immense fortune une seule obole pour apaiser leurs besoins dévorants. Lord Ruthven, cependant, ne sortait pas finalement plus riche des tables de jeu, mais perdait immédiatement, contre le destructeur de la fortune d'un grand nombre de malheureux, la dernière pièce d'argent qu'il venait d'arracher à l'inexpérience, ce qui ne pouvait provenir que de ce qu'il possédait un certain degré d'habileté incapable toutefois de lutter contre l'astuce des escrocs expérimentés. Aubray souvent fut sur le point de faire là-dessus des représentations à son ami et de le prier en grâce de renoncer à l'exercice d'une charité et d'un passe-temps qui tournaient à la ruine de tous, sans lui être du moindre avantage à lui-même. Mais il différait de jour en jour ses représentations, se flattant à chaque moment que son ami lui donnerait enfin quelque occasion de lui ouvrir son cœur franchement et sans réserve. Toutefois, cette occasion ne se présentait jamais. Lord Ruthven, dans sa voiture, et quoique traversant sans cesse de nouvelles scènes intéressantes de la nature, restait toujours le même. Ses yeux parlaient encore moins que ses lèvres, et bien que vivant avec l'objet qui excitait si vivement sa curiosité, Aubray n'en recevait qu'un constant aiguillon à son impatience de percer le mystère qui enveloppait un être que son imagination exaltée se représentait de plus en plus comme surnaturel. Bientôt ils arrivèrent à Rome, et Aubray, pour quelque temps, perdit de vue son compagnon. Il le laissa suivant assidûment le cercle du matin d'une comtesse italienne, tandis que lui-même se livrait à la recherche d'anciens monuments des arts. Cependant, des lettres lui parvinrent d'Angleterre. Il les ouvrit avec impatience. L'une était de sa sœur et ne renfermait que l'expression d'une tendre affection. Les autres étaient de ses tuteurs, et leur contenu eut lieu de frapper son attention. Si déjà auparavant, son imagination avait supposé qu'une influence infernale résidait dans son compagnon, ses lettres durent bien fortifier ce pressentiment. Ses tuteurs insistaient pour qu'il se séparât immédiatement de son ami, dont le caractère, disait-il, joignait à une extrême dépravation des pouvoirs irrésistibles de séduction qui rendaient tout contact avec lui d'autant plus dangereux. On avait découvert, depuis son départ, que ce n'était pas par haine pour le vice des femmes perdues qu'il avait dédaigné leur avance. Mais pour que ses désirs fussent pleinement satisfaits, il fallait qu'il rehaussât le plaisir de ses sens par le barbare accompagnement d'avoir précipité sa victime, la compagne de son crime, du pinacle d'une vertu intacte au fond de l'abîme de l'infamie et de la dégradation. On avait même remarqué que toutes les femmes qu'il avait recherchées en apparence à cause de leur chaste conduite avaient, depuis son départ, mis le masque de côté et exposé sans scrupule au public toute la difformité de leurs mœurs. Aubray se décida à se séparer d'un personnage dont le caractère ne lui avait pas encore présenté un seul point de vue brillant. Il se détermina à inventer quelque prétexte plausible pour l'abandonner tout à fait, se proposant, dans l'intervalle, de le veiller de plus près et de faire attention aux moindres circonstances. Il entra dans le même cercle de société que Lord Ruthven, et ne fut pas long à s'apercevoir que son compagnon cherchait à abuser de l'inexpérience de la fille de la dame dont il fréquentait surtout la maison. En Italie, il est rare qu'on rencontre dans le monde les jeunes personnes encore à marier. Lord Ruthven était donc obligé de mener cette intrigue à la dérobée. Mais l'œil d'Aubray le suivait dans tous ses détours, et bientôt il découvrit qu'une entrevue avait été fixée, et il ne prévit que trop que la ruine totale de cette jeune imprudente en serait le résultat infaillible. Sans perdre un seul instant, il entra dans le cabinet de son compagnon et le questionna brusquement sur ses intentions à l'égard de la jeune personne, le prévenant en même temps qu'il savait de sources certaines qu'il devait avoir un rendez-vous avec elle cette même nuit. Lord Ruthven répliqua que ses intentions étaient celles naturelles en pareil cas, et étant pressé de déclarer s'il avait des vues légitimes, sa seule réponse fut un malin sourire. Aubray se retira, et lui ayant de suite écrit quelques lignes pour l'informer qu'à compter de 7 heures, il renonçait à l'accompagner, suivant leur accord dans le reste de ses voyages, il ordonna à son domestique de lui procurer d'autres appartements et se rendit lui-même, sans perdre une minute, chez la mère de la jeune personne pour lui faire part non seulement de ce qu'il avait appris sur sa fille, mais aussi de tout ce qu'il savait de défavorable aux mœurs de Lord Ruthven. Cet avis vint à temps pour faire manquer le rendez-vous projeté. Lord Ruthven, le lendemain, écrivit à Aubray pour lui notifier son assentiment à leur séparation. Mais ne lui donna pas même à entendre qu'il le soupçonnait d'être la cause du renversement de ses plans. Aubrey, au sortir de Rome, dirigea ses pas vers la Grèce et, traversant le Golfe, se vit bientôt à Athènes. Il y choisit pour sa résidence la maison d'un Grec et ne songea plus qu'à rechercher les traces d'une gloire passée sur des monuments qui, honteux sans doute d'exposer le souvenir des grandes actions d'hommes libres aux yeux d'un peuple esclave, semblent chercher un refuge dans les entrailles de la terre ou se dérober au regard sous une mousse épaisse. Sous le même toit que lui, respirait une jeune fille de forme si belle et si délicate qu'elle aurait offert à l'artiste le plus digne modèle pour représenter une de ces houris que Mahomet promet dans son paradis aux crédules musulmans. Mais non, ses yeux possédaient une expression qui ne peut appartenir à des beautés que le prophète représente comme n'ayant pas d'âme. Lorsque Yan dansait sur la plaine, on effleurait, dans sa marche rapide, le penchant des collines, elle faisait oublier la légèreté gracieuse de la gazelle. Et quel autre qu'un disciple d'Épicure, en effet, n'eût pas préféré le regard animé céleste de l'une à l'œil voluptueux mais terrestre de l'autre. Cette nymphe aimable souvent accompagnait Aubrey dans ses recherches d'antiquité. Que de fois, ignorante de ses propres charmes, et tout entière à la poursuite du brillant papillon, elle développait toute la beauté de sa taille enchanteresse, flottant, en quelque sorte, au gré du zéphyr, aux regards avides du jeune étranger, qui oubliait les lettres, presque effacées par le temps, qu'il venait avec peine de déchiffrer sur le marbre, pour ne plus contempler que ses formes ravissantes. Que de fois, tandis qu'Yante voltigeait alentour, sa longue chevelure flottant sur ses épaules, par ses tresses onduleuses d'un blond céleste, n'offrait que trop d'excuses à Aubrey pour abandonner ses poursuites scientifiques et laisser échapper de son idée le texte d'une inscription qu'il venait de découvrir, et qu'un instant auparavant, son utilité, pour l'interprétation d'un passage de Pausanias, avait rendu à ses yeux de la plus haute importance. Mais pourquoi tenter de décrire des charmes plus aisés à sentir qu'à apprécier? Innocence, jeunesse, beauté, tout respirait en elle cette fraîcheur de la nature, étrangère à l'affectation de nos salons à la mode. Lorsqu'Aubrey dessinait ces augustes débris, dont il désirait conserver l'image pour l'amusement de ses heures futures, Yante, debout, et penché sur son épaule, suivait avec avidité les progrès magiques de son pinceau, retraçant les sites pittoresques des lieux où elle était née. Elle lui racontait alors, avec tout le feu d'une mémoire encore toute fraîche, ses compagnes foulant avec elle, dans leur danse légère, la verte pelouse des environs ou la pompe des fêtes nuptiales dont elle avait été témoin dans son enfance. Quelquefois encore, tournant ses souvenirs sur des objets qui évidemment lui avaient laissé une impression plus profonde, elle lui redisait les contes surnaturels dont sa nourrice avait effrayé sa jeune attention. Son ton sérieux et son air de sincérité, quand elle faisait ce récit, excitait une tendre compassion pour elle dans le cœur d'Aubrey. Souvent même, comme elle lui décrivait le vampire vivant qui avait passé des années au milieu d'amis et des plus tendres objets d'attachement, forcés chaque an, par un pouvoir infernal, de prolonger son existence pour les mois suivants, par le sacrifice de quelques jeunes et innocentes beautés, Aubrey sentait son sang se glacer dans ses veines, tout en essayant de tourner en ridicule de si horribles fables. Mayant, en réponse, lui citait le nom de vieillard qui avait fini par découvrir un vampire vivant au milieu d'eux, seulement après que plusieurs de leurs filles avaient succombé, victimes de l'horrible appétit de ce monstre. Et poussée à bout par son apparente incrédulité, elle le suppliait ardemment de prêter foi à ses récits, car on avait remarqué, ajoutait-elle, que ceux qui osaient douter de l'existence des vampires ne pouvaient éviter quelque jour d'être convaincus de leur erreur par leur propre et funeste expérience. Yante lui dépeignait l'extérieur que l'on s'accordait à donner à ces monstres, et l'impression d'horreur qui avait déjà frappé l'esprit d'Aubrey redoublait encore par un portrait qui lui rappelait, d'une manière effrayante, Lord Ruthven. Il persistait néanmoins dans ses efforts pour lui persuader de renoncer à des terreurs aussi vaines, quoiqu'en lui-même il frémît de reconnaître ces mêmes traits qui avaient tous tendu à lui faire voir quelque chose de surnaturel dans Lord Ruthven. Aubrey, de jour en jour, s'attachait davantage à Yante. Son innocence, si différente de ces vertus affectées qu'il avait rencontrées jadis dans ses femmes, parmi lesquels il avait cherché à retrouver ces notions romanesques sucées dans son jeune âge, séduisaient incessamment son cœur. Et tandis qu'il se représentait à lui-même le ridicule d'une union conjugale entre un jeune homme élevé selon les usages de l'Angleterre et une jeune grecque sans éducation, il sentait s'accroître de plus en plus son affection pour la jeune enchanteresse avec qui s'écoulaient tous ces moments. Quelquefois, il voulait s'éloigner d'elle, et bâtissant un plan de recherche d'antiquité, il projetait de partir, décidé à ne pas reparaître à Athènes avant d'avoir rempli l'objet de son excursion. Mais il trouvait toujours impossible de fixer son attention sur les ruines des environs, tandis que l'image fraîche d'Iante vivait au fond de son cœur. Ignorant l'amour qu'elle lui avait inspiré, elle avait toujours avec lui cette même franchise enfantine qu'elle lui avait montrée dès le premier abord. Elle semblait toujours ne se séparer de lui qu'avec une extrême répugnance. Mais c'était uniquement parce qu'elle n'avait plus alors de compagnon pour parcourir avec elle ses sites favoris où elle errait, tandis que non loin d'elle, Aubrey s'occupait à retracer ou découvrir quelques fragments échappés à la faute destructive du temps. Elle avait appelé en témoignage de ce qu'elle avait raconté à Aubrey au sujet des vampires son père et sa mère, qui tous deux, ainsi que plusieurs autres personnes présentes, avaient affirmé leur existence en pâlissant d'horreur à ce nom seul. Peu de temps après, Aubrey se décida à entreprendre une petite excursion qui devait l'occuper plusieurs heures. Lorsque ses hôtes l'entendirent désigner l'endroit, d'un commun accord, ils se hâtèrent de le supplier de revenir à Athènes avant la nuit tombante, car il devait, lui dirent-ils, traverser nécessairement un bois où nul grec ne se hasarderait à entrer, pour aucune considération au monde, après le coucher du soleil. Ils le lui dépeignirent comme le repère des vampires dans leurs orgies nocturnes, et le menacèrent des malheurs les plus épouvantables s'il osait troubler, par son passage, ces monstres dans leur cruelle fête. Aubrey traita légèrement leurs représentations, et essaya même de leur faire sentir toute l'absurdité de pareilles idées. Mais pourtant, quand il les vit tressaillir de terreur à son audacieux mépris d'un pouvoir infernal et irrésistible, dont le nom seul suffisait pour les faire frissonner, il se tut. Le lendemain matin, Aubrey se mit en route sans suite. À son départ, il observa avec peine et surprise l'air mélancolique de ses hôtes et l'impression de terreur que ses railleries sur l'existence des vampires avaient répandue sur leurs traits. À l'instant même où il montait à cheval, Iante vint près de lui et d'un ton sérieux le conjura, par tout ce qu'il avait de plus cher au monde, de retourner à Athènes avant que la nuit vînt rendre à ces monstres leur pouvoir. Il promit de lui obéir, mais ses recherches scientifiques absorbèrent tellement son esprit qu'il ne s'aperçut même pas que le jour était prêt à finir et qu'à l'horizon se formait une de ces taches qui, dans ces brûlants climats, grossissent avec une telle rapidité que bientôt, devenue une masse épouvantable, elles versent sur la campagne désolée toute leur rage. À la fin, cependant, il se décida à remonter à cheval et à compenser par la vitesse de son retour le temps perdu. Mais il était trop tard. Le crépuscule est, pour ainsi dire, inconnu dans ces contrées méridionales, et la nuit commence avec le coucher du soleil. Avant qu'Aubrey fût loin dans la forêt, l'orage avait éclaté sur sa tête avec fureur. Le tonnerre grondait coup sur coup et répété par les nombreux échos d'alentour ne laissait presque point d'intervalle de silence. La pluie, tombant à torrents, forçait son passage jusqu'à Aubrey à travers l'épais couvert du feuillage, tandis que les éclairs brillaient autour de lui et que la foudre même venait quelquefois éclater à ses pieds. Son coursier épouvanté tout à coup l'emporta à travers le plus épais du bois. L'animal, hors d'haleine, à la fin s'arrêta, et Aubrey, à la lueur des éclairs, remarqua près de lui une hutte presque enterrée sous des masses de feuilles mortes et de broussailles qui l'enveloppaient de tous côtés. Aubrey descendit de cheval et approcha de la hutte, espérant y trouver quelqu'un qui lui servirait de guide jusqu'à la ville, ou du moins s'y procurer un abri contre la tempête. Au moment où il s'en approchait, le tonnerre s'étant ralenti pour quelques instants, il put distinguer les cris perçants d'une femme répondu par un rire amer et presque continu. Aubrey tressaillit et hésita s'il entrerait, mais un éclat de tonnerre qui soudain gronda de nouveau sur sa tête le tira de sa rêverie, et par un effort de courage, il franchit le seuil de la hutte. Il se trouva dans la plus profonde obscurité. Le bruit qui se prolongeait lui servit pourtant de guide. Personne ne répondait à son appel réitéré. Tout à coup, il heurta quelqu'un qui l'arrêta sans balancer, quand une voix horrible fit entendre ces mots. Encore troublé, auquel succéda un éclat de rire affreux, et Aubrey se sentit saisi avec une vigueur qui lui parut surnaturelle. Décidé à vendre chèrement son existence, il lutta, mais en vain. Ses pieds perdirent en un instant le sol, et enlevé par une force irrésistible, il se vit précipité contre la terre, qu'il mesura de tout son corps. Son ennemi se jeta sur lui, et s'agenouillant sur sa poitrine, portait déjà ses mains à sa gorge, quand la réverbération d'un grand nombre de torches pénétrant dans la hutte par une ouverture destinée à l'éclairer pendant le jour, vint troubler le monstre dans son épouvantable orgie. Il se hâta de se relever, et laissant là sa proie, s'élança hors de la porte. Le bruit qu'il fit, en s'ouvrant un passage à travers l'épaisse bruyère, cessa au bout de quelques instants. L'orage, cependant, s'était calmé tout à fait, et les nouveaux venus purent entendre, du dehors, les plaintes d'Aubrey que l'épuisement total de ses forces empêchait de remuer. Ils entrèrent dans la hutte. La lumière de leurs torches vint se réfléchir sur ses voûtes moussues, et ils se virent tous couverts de flocons d'une suie épaisse. À la prière d'Aubrey, ils s'éloignèrent de lui pour chercher la femme dont les cris l'avaient attiré. Et comme ils s'avançaient sous les replis caverneux de la hutte, ils se virent replonger encore dans les plus profondes ténèbres. Mais bientôt, de quelle horreur ne fut-il pas frappé, quand, à la lueur des torches qui revenaient fondre sur lui, il reconnut le corps inanimé de la charmante Hyante, porté par ses compagnons. Vainement, il ferma les yeux, se flattant que ce n'était qu'une vision, fruit de son imagination dérangée. Mais quand il les rouvrit, il revit encore les restes de son amante étendue sur la terre à côté de lui. Ses joues arrondies et ses lèvres délicates, qui naguère auraient fait honte à la rose par leur fraîcheur, étaient maintenant d'une pâleur sépulcrale. Et cependant encore, il régnait à présent, sur les traits charmants d'Hyante, un calme admirable, et presque aussi attachant que la vie qui jadis les animait. Sur son cou et sa poitrine, on voyait des traces de sang, et sa gorge portait les empreintes des dents cruelles qui avaient ouvert ses veines. Les villageois qui avaient porté le corps, indiquant du doigt ses marques funestes, et comme frappés simultanément d'horreur, s'écrièrent « Un vampire ! Un vampire !» Ils formèrent à la hâte une litière, et placèrent dessus Aubrey à côté de celle qui naguère avait été pour lui l'objet des rêves de félicité les plus flatteurs, mais dont maintenant la vie venait de s'éteindre dans sa fleur. Aubrey ne pouvait plus retrouver le fil de ses idées, ou plutôt semblait chercher un refuge contre le désespoir dans une totale absence de pensée. Il tenait, presque sans le savoir dans sa main, un poignardu d'une forme extraordinaire qu'on avait ramassé dans la hutte. Bientôt, le triste cortège fut rencontré par d'autres paysans qu'une mère alarmée envoyait encore à la recherche de son enfant chéri. Mais les cris lamentables que poussait la troupe désolée au moment où ils approchaient de la ville furent pour cette mère et son époux infortuné l'avant-coureur de quelque horrible catastrophe. Décrire l'angoisse de leur attente inquiète serait impossible, mais quand ils eurent découvert le corps de leur fille adorée, ils regardèrent Aubrey, lui firent remarquer du doigt les indices affreux de l'attentat qui avait causé sa mort, et tous deux expirèrent de désespoir. Aubrey, étendu sur sa couche de douleur et en proie à une fièvre ardente, au milieu des accès de son délire, appelait l'ordre Thane et Hyante. Quelquefois, il suppliait son ancien compagnon d'épargner celle qu'il aimait. D'autres fois, il accumulait les imprécations sur sa tête et le maudissait comme le destructeur de sa félicité. Lord Ruthven se trouvait justement alors à Athènes, et ayant eu connaissance de la triste situation d'Aubrey, pour quelques motifs secrets, vint se loger sous le même toit et devint son compagnon assidu. Quand son ami sortit de son délire, il tressaillit d'horreur à l'aspect de celui dont l'image s'était maintenant confondue dans sa tête avec l'idée d'un vampire. Mais Lord Ruthven, par son ton persuasif, ses demi-aveux qu'il regrettait la faute qui avait causé leur séparation, et encore plus, par les attentions soutenues, l'anxiété et les soins qu'il prodigua à Aubrey le réhabitua bientôt à sa présence. Lord Ruthven semblait tout à fait changé. Ce n'était plus cet être dont l'apathie avait tellement étonné Aubrey. Mais aussitôt que ce dernier commença à faire des progrès rapides dans sa convalescence, il s'aperçut avec chagrin que son compagnon retombait dans son flegme ordinaire, et il retrouva en lui tout à fait l'homme de leur première liaison, si ce n'est que de temps à autre, Aubrey observait avec surprise que Lord Ruthven semblait fixer sur lui un regard pénétrant, tandis qu'un sourire cruel de dédain voltigeait sur ses lèvres. Il se perdait en conjectures sur l'intention de cet affreux sourire, si souvent réitéré. Lorsqu'Aubrey entra dans le dernier épisode de son rétablissement, Lord Ruthven, s'éloignant de plus en plus de lui, semblait exclusivement occupé à contempler les vagues soulevées par la brise rafraîchissante ou à suivre la marche de ces planètes qui, ainsi que notre globe, meuvent autour d'un astre immobile. Mais le fait est qu'il semblait chercher principalement à se soustraire aux yeux de tous. La tête d'Aubrey avait été très affaiblie par le choc qu'il venait d'éprouver, et cette élasticité d'esprit, qui avait embrayé en lui jadis, semblait s'être évanouie pour toujours. Il était maintenant aussi épris de la solitude et du silence que Lord Ruthven lui-même, mais c'est en vain qu'il soupirait après cette solitude. Pouvait-elle exister pour lui dans le voisinage d'Athènes? La cherchait-il parmi ces ruines qu'il avait jadis fréquentées, l'imaginant l'y accompagnait comme autrefois? La cherchait-il au fond des bois? Il s'imaginait y voir encore la démarche légère d'Iante, voltigeant au milieu des taillis, à la découverte de la modeste violette. Quand, par une transition subite, sa sombre imagination lui représentait son amante, la figure pâle, la gorge saignante et ses lèvres décolorées, mais qu'un sourire toujours aimable, malgré le trépas, venait encore orner. Il se détermina enfin à fuir des sites dont chaque trait était, pour sa raison affaiblie, une source de tableaux douloureux. Il proposa à Lord Ruthven, qu'il croyait ne devoir point quitter, après tous les soins qu'il en avait reçus pendant son indisposition, de visiter ensemble ces parties de la Grèce qui leur étaient encore inconnues à tous deux. Ils partirent donc, et allèrent à la recherche de chaque lieu auquel se rattachait un ancien souvenir. Mais quoiqu'ils courussent constamment d'une place à une autre, ils ne semblaient cependant, ni l'un ni l'autre, prêter une attention réelle aux objets variés qui passaient sous leurs yeux. Ils entendaient souvent parler de voleurs infestant le pays, mais graduellement ils en vinrent à mépriser ces rapports, qu'ils regardaient comme une pure invention de gens intéressés à exciter la générosité de ceux qu'ils défendaient de prétendus dangers. Entre autres occasions où ils négligèrent l'avis des villageois, ils voyageaient un jour avec une garde si peu nombreuse qu'elle pouvait plutôt leur servir de guide que de défense. Au moment cependant où ils venaient d'entrer dans un étroit défilé, au fond duquel était le lit d'un torrent qui roulait, confondu avec des masses de rocs, dans les précipices voisins, ils eurent raison de regretter leur imprudente confiance. À peine étaient-ils engagés dans ce pas dangereux qu'une grêle de balles vint siffler à leurs oreilles, tandis que les échos d'alentour répétaient le son de plusieurs armes à feu. Bientôt une balle vint se loger dans l'épaule de Lord Ruthven, qui tomba du coup. Aubrey vola à son assistance, et ne songeant plus à se défendre, ni à son propre péril, se vit bientôt entouré par les brigands. L'escorte, aussitôt qu'elle avait vu tomber Lord Ruthven, avait jeté ses armes et demandé quartier. Par la promesse d'une forte récompense, Aubrey décida les voleurs à transporter son ami blessé à une cabane voisine, et étant convenu avec eux d'une rançon, il ne fut plus importuné de leur présence, les bandits se bornant à surveiller la chaumière jusqu'au retour de l'un d'eux qui alla recevoir dans une ville voisine le montant d'une traite qu'Aubrey leur donna sur son banquier. Les forces de Lord Ruthven déclinèrent rapidement. Au bout de 2 jours, la gangrène parut, et l'instant de sa dissolution sembla s'avancer à grands pas. Sa manière d'être et ses traits étaient toujours les mêmes. On aurait dit qu'il était aussi indifférent à la douleur qu'il l'avait été autrefois à tout ce qui se passait autour de lui. Mais vers la fin de la seconde soirée, il sembla préoccupé de quelque idée pénible. Ses yeux se fixaient souvent sur Aubrey, qui, s'en apercevant, lui offrit avec chaleur son assistance. « Vous voulez m'assister ?» lui dit son ami. « Vous pouvez me sauver. Vous pouvez faire plus encore. Je ne parle pas de ma vie. Je regarde d'un œil aussi insouciant le terme de mon existence que celui du jour prêt à finir. Mais vous pouvez sauver mon honneur, l'honneur de votre ami. » « Comment ? « Oh, dites-moi comment ?» lui répondit Aubrey. « Je ferai tout au monde pour vous être utile. »« Je n'ai que peu de choses à vous demander, » répliqua Lord Ruthven. « Ma vie décline rapidement, et il me manque le temps pour vous développer toute mon idée. Mais si vous voulez cacher tout ce que vous savez de moi, mon honneur serait dans le monde à l'abri de toute atteinte. Et si ma mort était ignorée pour quelque temps en Angleterre... »« Je la cacherai, » dit Aubrey. « Mais ma vie !» s'écria Lord Ruthven. « J'enterrai l'histoire !» ajouta Aubrey. « Jurez donc !» cria son ami expirant, se relevant par le dernier effort d'une avide joie. « Jurez, par tout ce que votre âme révère ou redoute, jurez que pour un an et un jour, vous garderez un secret inviolable sur tout ce que vous savez de mes crimes et sur ma mort vis-à-vis de quelque personne que ce puisse être, quelque chose qui puisse arriver, quelque objet extraordinaire enfin, qui puisse frapper vos regards. » En prononçant ces mots, ses yeux pétillants semblaient sortir de leurs orbites. « Je le jure, » dit Aubrey. Et Lord Ruthven, retombant sur son chevet, avec un éclat de rire horrible, exhala son dernier soupir. Aubrey se retira dans son appartement pour se reposer, mais il n'y put trouver le sommeil. Les circonstances extraordinaires qui avaient accompagné toute sa liaison avec Lord Ruthven se pressaient involontairement dans sa mémoire frappée, et quand il emmenait à son serment, un frissonnement irrésistible s'emparait de lui comme un pressentiment de quelque chose d'horrible qui l'attendait. S'étant levé de bonne heure le lendemain, au moment où il allait entrer dans la chambre où il avait laissé le corps de son ami, il rencontra un des bandits qui le prévint qu'il n'était plus à cette place, et qu'avec l'aide de ses compagnons, il avait transporté le cadavre immédiatement après qu'Aubrey s'était retiré chez lui et suivant la promesse qu'il en avait faite à Lord Ruthven, sur le sommet d'une colline voisine, afin de lui exposer au premier pâle rayon de la lune qui se lèverait après sa mort. Aubrey, surpris, et prenant avec lui quelques-uns de ses hommes, se décida à gravir cette colline, et à y ensevelir sur le lieu même son compagnon. Mais quand il eut atteint le faîte de la montagne, il n'y trouva de traces, ni du corps, ni des vêtements, quoique les bandits lui assurassent qu'il était sur la roche même où ils avaient déposé les restes de Lord Ruthven. D'abord, son esprit se perdait en conjectures sur cet étrange événement, mais il finit par se persuader, en retournant chez lui, que les voleurs avaient tout simplement enseveli le corps pour s'approprier les vêtements. Là, d'une contrée où il avait rencontré de si terribles catastrophes, et où tout semblait conspirer pour approfondir cette mélancolie superstitieuse qui avait frappé son esprit, il prit le parti de s'éloigner de la Grèce et bientôt arriva à Smyrne. Tandis qu'il y attendait un navire pour le transporter à Otrante ou à Naples, il s'occupa de l'inspection des divers effets qui avaient appartenu à Lord Ruthven. Entre autres choses, il remarqua une caisse contenant des armes offensives, toutes singulièrement adaptées pour porter une prompte mort dans le sein de ses victimes. Il observa plusieurs poignards, et pendant qu'il les retournait dans cet examen et admirait leur forme curieuse, quelle fut sa surprise à l'aspect d'un fourreau dont les ornements étaient exactement du même goût que le poignard ramassé dans la fatale hutte. Il tressaillit à cette vue, et se hâtant d'acquérir une nouvelle preuve à l'appui de la présomption qui frappait déjà son âme, il chercha de suite le poignard, et qu'on juge l'horreur qui vint le saisir à la découverte désespérante que l'arme cruelle, quelque extraordinaire que fût sa forme, remplissait justement le fourreau qu'il tenait à la main. Ses yeux semblaient ne plus demander d'autres témoins pour le confirmer dans son affreux soupçon et paraissaient ne pouvoir se détacher de l'instrument de mort. Il désirait cependant se faire encore illusion, mais cette ressemblance d'une forme aussi singulière, cette même variété de couleurs qui ornait le manche du poignard et le fourreau, et plus que tout cela encore, quelques gouttes de sang empreintes sur l'un et sur l'autre détruisaient toute possibilité d'un doute. Il quitta Smyrne et en passant par Rome, son premier soin fut de recueillir quelques informations sur le sort de la jeune personne qu'il avait essayé de sauver de la séduction de Lord Ruthven. Ses parents, d'une brillante fortune, étaient tombés maintenant dans une extrême détresse, et on ne savait ce que leur fille elle-même était devenue depuis le départ de son amant. Il n'eut que trop lieu de craindre que la jeune Romaine n'eût succombé victime du destructeur d'Iante. Tant d'horreurs réitérées avaient enfin désolé le cœur d'Aubray. Il devint hypocondre et silencieux. son unique soin était d'accélérer la marche des postillons, comme s'il s'agissait d'aller sauver la vie de quelqu'un qui lui fut cher. Bientôt il arriva à Calais. Une brise, qui semblait obéir à ses désirs, le porta promptement à la côte d'Angleterre. Il se hâta de se rendre à l'antique manoir de ses pères, et y parut pour quelque temps perdre dans les tendres embrassements de sa sœur le souvenir du passé. Si jadis ses caresses enfantines l'avaient vivement intéressé, maintenant qu'elle avait atteint sa 18e année, ses manières avaient acquis avec l'âge une nuance plus douce et encore plus attachante. Miss O'Brien n'avait pas cette grâce brillante qui captive l'admiration et l'applaudissement d'un cercle nombreux. Il n'y avait rien dans sa contenance de cette teinte animée qui n'existe que dans l'atmosphère échauffée d'un salon tumultueux. Son grand œil bleu n'était jamais visité par cette gaieté insouciante qui n'appartient qu'à la légèreté d'esprit. Mais il respirait cette langueur mélancolique qui provient moins de l'infortune que d'une âme religieusement empreinte de l'attente d'une vie future et plus solide que notre existence éphémère. Elle n'avait pas cette démarche aérienne qu'un papillon, une fleur, un rien suffit pour mettre en mouvement. Son maintien était calme et pensif. Dans la solitude, ses traits ne perdaient jamais cet air sérieux et réfléchi qui leur était naturel. Mais était-elle près de son frère, tandis qu'il lui exprimait sa tendre affection et s'efforçait d'oublier en sa présence ses chagrins qu'elle savait trop bien avoir détruits sa félicité sans retour? Qui aurait voulu échanger alors le sourire reconnaissant de Miss O'Bray contre le sourire même de la volupté? Ses yeux, ses traits, respiraient alors une céleste harmonie avec les douces vertus de son âme. Elle n'avait pas encore fait sa première entrée dans le monde, ses tuteurs ayant jugé plus convenable de différer cette grande époque jusqu'au retour de son frère pour qu'il pût lui servir de protecteur. Il fut donc maintenant décidé que le cercle qui allait sous peu se tenir à la cour serait choisi pour son introduction dans la société. O'Bray eût préféré ne pas quitter la demeure de ses ancêtres et nourrir cette mélancolie qui le consumait sans cesse. Quel intérêt, en effet, pouvait avoir pour lui les frivolités des réunions à la mode, après les impressions profondes dont les événements passés avaient empreint son âme? Mais il n'hésita pas à faire le sacrifice de ses propres goûts à la protection qu'il devait à sa sœur. Ils se rendirent à Londres et se préparèrent pour le cercle qui devait avoir lieu dès le lendemain de leur arrivée. La foule était prodigieuse. Il n'y avait pas eu de réunion à la cour depuis longtemps, et tous ceux qui étaient jaloux de briguer la faveur d'un sourire royal étaient là. Tandis qu'O'Bray se tenait à l'écart, insensible à ce qui se passait autour de lui, et que justement il venait de se rappeler que c'était à cette même place qu'il avait vu pour la première fois Lord Ruthven, il se sentit tout à coup saisi par le bras, et une voix qu'il ne reconnut que trop bien fit retentir ces mots à son oreille. « Souvenez-vous de votre serment. » Tremblant de voir un spectre prêt à le réduire en poudre, il eut à peine le courage de se retourner, quand il aperçut près de lui cette même figure qui avait tellement attiré son attention justement au même endroit le premier jour de son début dans la société. Il la regarda d'un air effaré jusqu'à ce que ses jambes, se refusant presque à le soutenir, il se vit obligé de prendre le bras d'un ami et, se frayant un chemin à travers la foule, il se jeta dans sa voiture. Rentré chez lui, il arpentait son appartement à pas précipités et portait ses mains sur sa tête comme s'il eût craint que la faculté de penser ne s'en échappât sans retour. Lord Ruthven était toujours devant ses yeux. Les circonstances se combinaient dans sa tête dans un ordre désespérant. Le poignard, son serment. Honteux de lui-même et de sa crédulité, il cherchait à secouer ses esprits abattus et à se persuader que ce qu'il avait vu ne pouvait exister. Un mort sortir du tombeau. Son imagination seule avait sans doute évoqué du sépulcre l'image de l'homme qui occupait incessamment son esprit. Enfin, il en vint à se convaincre que cette vision était certainement sans réalité. Quoi qu'il en pût être, il se décida à retourner encore dans la société, car, quoiqu'il essayât 20 fois de questionner ceux qui l'entouraient sur Lord Ruthven, ce nom fatal restait toujours suspendu sur ses lèvres et il ne pouvait réussir à recueillir aucune information sur l'objet qui l'intéressait si fortement. Quelques soirées après, il conduisit encore sa sœur à une brillante assemblée chez quelqu'un de ses parents. La laissant sous la protection d'une dame d'un âge respectable, il se plaça lui-même dans un coin isolé des appartements et là se livra tout entier à ses tristes pensées. Un long temps s'écoula ainsi, et enfin il s'aperçut qu'un grand nombre de personnes avaient déjà quitté les salons. Il sortit forcément de cet état de stupeur, et entrant dans une pièce voisine, il y vit sa sœur environnée de plusieurs personnes avec qui elle paraissait en conversation soutenue. Il s'efforçait de s'ouvrir route jusqu'à elle, et venait de prier une personne devant lui de le laisser passer, quand cette personne, se retournant, lui montra les traits qu'il abhorrait le plus au monde. Tout hors de lui-même, à cette fatale vue, il se précipita vers sa sœur, la saisit par la main, et à pas redoublés, l'entraîna vers la rue. Sur le seuil de l'hôtel, il se trouva arrêté quelques instants par la foule de domestiques qui attendaient leur maître, et tandis qu'ils traversaient leur rang, il entendit cette voix qui ne lui était que trop bien connue, faire résonner à son oreille ces mots terribles « Souvenez-vous de votre serment ». Éperdu, terrifié, il n'osa pas même lever les yeux autour de lui, mais, accélérant la marche de sa sœur, il s'élança dans sa voiture et bientôt fut chez lui. Le désespoir d'Aubray maintenant alla presque jusqu'à la folie. Si déjà auparavant son esprit avait été absorbé par un seul objet, combien en devait-il être frappé plus profondément à présent que la certitude que le monstre était encore vivant le poursuivait sans relâche. Il était devenu insensible aux tendres attentions de sa sœur, et c'était en vain qu'elle le suppliait d'expliquer la cause de ce changement subit qui s'était opéré en lui. Il ne lui répondait que par quelques mots entrecoupés, et ce peu de mots toutefois suffisait pour porter la terreur dans l'âme de sa sœur. Plus Aubray réfléchissait à tout cet horrible mystère, et plus il s'égarait dans ce cruel labyrinthe. L'idée de son serment le faisait frémir. Que devait-il faire? Devait-il permettre à ce monstre de porter son souffle destructeur parmi toutes les personnes qui lui étaient chères, sans arrêter d'un seul mot ses progrès? Sa sœur même pouvait avoir été touchée par lui. Mais quoi? Si même il osait rompre son serment et découvrir l'objet de ses terreurs, qui y ajouterait foi? Quelquefois il songeait à employer son propre bras pour débarrasser le monde de ce scélérat, mais l'idée qu'il avait déjà triomphé de la mort l'arrêtait. Pendant nombre de jours, il resta plongé dans cet état de marasme. Enfermé dans sa chambre, il ne voulait voir personne, et ne consentait même à prendre quelque nourriture que lorsque sa sœur, les larmes aux yeux, venait le conjurer de soutenir son existence par pitié pour elle. Enfin, incapable de supporter plus longtemps la solitude, il sortit de chez lui et courait de rue en rue comme pour échapper à l'image qui le suivait si obstinément. Insouciant sur l'espèce de vêtement dont il couvrait son corps, il errait çà et là, aussi souvent exposé au feu dévorant du soleil du midi qu'à la froide humidité des soirées. Il était devenu méconnaissable. D'abord, il rentrait chez lui pour y passer la nuit, mais bientôt il se couchait sans choix partout, où l'épuisement de ses forces l'obligeait de prendre quelque repos. Sa sœur, inquiète des dangers qu'il pouvait courir, voulait le faire suivre. Mais Aubray laissait promptement derrière lui ceux qu'elle avait chargés de cet emploi, et échappait à ses surveillants plus vite qu'une pensée ne nous fuit. Il changea néanmoins tout d'un coup de conduite. Frappé de l'idée que son absence laissait ses meilleurs amis sans le savoir dans la société d'un être aussi dangereux, il se décida à paraître de nouveau dans le monde et a veillé de près Lord Ruthven, avec l'intention de prévenir, en dépit de son serment, toutes les personnes dans l'intimité desquelles il chercherait à s'immiscer. Mais lorsque Aubray entrait dans un salon, son regard effaré et soupçonneux était si remarquable, ses tressaillements involontaires si visibles, que sa sœur se vit à la fin réduite à le solliciter de s'abstenir de fréquenter, uniquement par condescendance pour elle, un monde dont la seule vue paraissait l'affecter si fortement. Quand ses tuteurs s'aperçurent que les conseils et les prières de sa sœur étaient inutiles, ils jugèrent à propos d'interposer leur autorité, et craignant qu'Aubray ne fût menacé d'une aliénation mentale, ils pensèrent qu'il était grandement temps qu'ils reprissent la charge qui leur avait été confiée par ses parents. Désirant ne plus avoir à craindre pour lui le renouvellement des souffrances et des fatigues auxquelles ses excursions l'avaient souvent exposé, et dérober aux yeux du monde ces marques de ce qu'il nommait folie, ils chargèrent un médecin habile de résider auprès de lui pour le soigner et de ne le jamais perdre de vue. À peine Obrest aperçut-il de toutes ces mesures de précaution, tant ses idées étaient absorbées par un seul et terrible objet. Renfermé dans son appartement, il y passait souvent des jours entiers dans un état de morne stupeur dont rien ne pouvait le retirer. Il était devenu pâle, décharné. Ses yeux n'avaient plus qu'un éclat fixe. Le seul signe d'affection et de réminiscence qu'il déployait encore était à l'approche de Miss Aubrey. Alors il tressaillait d'effroi, et pressant les mains de sa sœur avec un regard qui portait la douleur dans son cœur, il lui adressait ces mots détachés. « Oh, ne le touchez pas. Par pitié, si vous avez quelque amitié pour moi, n'approchez pas de lui. » Et cependant, quand elle le suppliait de lui indiquer du moins de qui il parlait, sa seule réponse était « Il est trop vrai, il est trop vrai !» Et il retombait dans un affaissement dont elle ne pouvait plus l'arracher. Cet état pénible avait duré nombre de mois. Cependant, lorsque l'année fatale fut au moment d'être écoulée, l'incohérence de ses manières devint moins alarmante. Son esprit parut être dans les dispositions moins sombres, et ses tuteurs observèrent même que plusieurs fois le jour il comptait sur ses doigts un nombre déterminé, tandis qu'un sourire de satisfaction s'épanouissait sur ses lèvres. L'an était presque passé, quand le dernier jour, un de ses tuteurs étant entré dans son appartement, entretint le médecin du triste état de santé d'Aubray et remarqua combien il était fâcheux qu'il fût dans une situation aussi déplorable, tandis que sa sœur devait se marier le lendemain. Ces mots suffirent pour éveiller l'attention d'Aubray, et il demanda avec empressement « À qui ?» Son tuteur, charmé de cette marque de retour de sa raison, dont il craignait qu'il n'eût jamais été privé, lui répondit « Avec le comte Marsden. » Pensant que c'était quelque jeune noble qu'il avait rencontré en société, mais que sa distraction d'esprit ne lui avait pas permis de remarquer dans le temps, Aubray parut fort satisfait, et surprit encore davantage son tuteur par l'intention qu'il exprima d'être présent aux noces de sa sœur et son désir de la voir auparavant. Pour toute réponse, quelques minutes après, sa sœur était près de lui. Il semblait être redevenu sensible à son sourire aimable. Il la serra contre son cœur et pressa tendrement de ses lèvres ses joues humides des larmes de plaisir que lui causait l'idée que son frère avait retrouvé toute son affection pour elle. Il lui parla avec chaleur et la félicita vivement sur son union avec un personnage d'une naissance aussi distinguée et aussi accomplie, lui avait-on dit, quand soudain, il remarqua un médaillon sur son sein. L'ayant ouvert, quelle fut son horrible surprise à la vue des traits du monstre qui, depuis si longtemps, avait un tel ascendant sur son existence. Il saisit le portrait dans un accès de rage et le foula aux pieds. Et comme sa sœur lui demanda pourquoi il détruisait l'image de l'homme qu'allait devenir son mari, il regarda d'un air effaré, comme s'il n'avait pas compris sa question. Et alors, lui serrant les mains et jetant sur elle un coup d'œil désespéré et frénétique, il la supplia de lui promettre sous serment qu'elle n'épouserait jamais ce monstre, car il... Mais là, il fut contraint de s'interrompre. Il lui sembla comme si la voix fatale lui recommandait encore de se rappeler son serment. Il se retourna brusquement, pensant que Lord Ruthven était là, mais il ne vit personne. Cependant, les tuteurs et le médecin qui avaient entendu tout ce qui s'était passé, et qui s'imaginèrent que c'était un retour de désordre d'esprit, entrèrent tout à coup, et l'éloignant de sa sœur, la prièrent de quitter la chambre. Il tomba sur ses genoux et les conjura de différer la cérémonie, ne fût-ce que d'un seul jour. Mais eux, supposant que tout cela n'était qu'un pur accès de folie, s'efforcèrent de le tranquilliser et se retirèrent. Lord Ruthven, dès le lendemain du cercle de la cour, s'était présenté chez Aubray, mais la permission de le voir lui avait été refusée, ainsi qu'à tout le monde. Lorsqu'il apprit, bientôt après, l'état alarmant de sa santé, il sentit immédiatement que c'était lui qui en était la cause. Mais quand on lui dit qu'Aubray paraissait être tombé en démence, il eut peine à cacher sa triomphante joie à ceux qui lui donnaient cette information. Il se hâta de se faire introduire auprès de Miss Aubray, et, par une cour assidue et l'intérêt qu'il semblait prendre sans cesse à la déplorable situation de son frère, il réussit à captiver son cœur. Qui, en effet, aurait pu résister à ses pouvoirs de séduction? sa langue insinuante avait tant de fatigues, de dangers inconnus à raconter. Il pouvait, avec tant d'apparence de raison, parler de lui-même comme d'un être tellement différent du reste du genre humain, et n'ayant de sympathique avec elle seule. Il avait tant de motifs plausibles pour prétendre que ce n'était que depuis qu'il pouvait savourer les délices de sa voix charmante qu'il commençait à perdre cette insensibilité pour l'existence qu'il avait dénotée jusqu'alors. Enfin, il savait si bien mettre à profit l'art dangereux de la flatterie, ou du moins tel était l'arrêt de la destinée, qu'il conquit toute sa tendresse. Dans ce même temps, l'extinction d'une branche aînée lui transmit le titre de comte de Marsden, et dès que son union avec Miss Aubrey fut convenue, il prétexta des affaires importantes qu'il appelait sur le continent pour presser la cérémonie, nonobstant l'état affligeant du frère, et il fut décidé que son départ aurait lieu le jour même de son mariage. Aubrey, ayant été abandonné à lui-même par ses tuteurs et même par son médecin, essaya de corrompre, à force de présents, les domestiques, mais inutilement. N'ayant pu obtenir qu'il le laissasse sortir, il demanda une plume et du papier et l'écrivit à sa sœur, la conjurant, par considération pour sa propre félicité, son honneur et celui de ses parents renfermés dans la tombe, de différer seulement de quelques heures une union qui devait être accompagnée des plus grands malheurs. Les domestiques lui promirent de remettre la lettre à sa sœur, mais ils la portèrent au médecin, qui jugea plus convenable de ne pas la chagriner davantage, parce qu'il considérait comme de purs actes de démence. La nuit se passa dans les préparatifs pour la cérémonie du lendemain. Aubrey entendait le tout avec une horreur plus aisée à imaginer qu'à décrire. La fatale matinée n'arriva que trop tôt. Déjà le bruit des nombreux équipages venait frapper l'oreille d'Aubrey. Il délirait presque de rage. Heureusement, la curiosité des domestiques chargés de le veiller, l'ayant emporté sur leurs ailes à remplir leurs devoirs, ils s'éloignèrent tous l'un après l'autre, le laissant imprudemment sous la garde d'une femme âgée et sans force. Il saisit avidement l'occasion et d'un seul bond était hors de son appartement. Dans un instant, il se trouva dans le salon où presque tout le monde était déjà rassemblé. Lord Ruthven fut le premier à l'apercevoir. Il s'approcha immédiatement d'Aubrey et, prenant son bras de force, l'entraîna de la chambre hors d'état de parler, de rage. Quand ils furent sur l'escalier, Lord Ruthven lui murmura ces mots à l'oreille « Souvenez-vous de votre serment, et sachez que votre sœur, s'il ne devient pas mon épouse aujourd'hui même, est déshonorée. La vertu des femmes est fragile. » Après ce peu de mots, il le repoussa violemment entre les bras des domestiques chargés de le surveiller, et qui, dès qu'ils se furent aperçus de son évasion, étaient accourus à sa poursuite. Aubrey n'était plus en état de soutenir le poids de son propre corps, et par un effort extraordinaire pour exhaler son désespoir forcené, il se rompit un vaisseau dans la gorge et, baigné dans son sang, fut transporté au lit. On laissa ignorer tout ce qui venait de se passer à sa sœur qui, malheureusement, était hors du salon quand il y était entré. La cérémonie fut célébrée et les deux époux quittèrent de suite Londres. L'état de faiblesse d'Aubrey alla en s'accroissant rapidement, et la vaste quantité de sang qu'il avait perdu ne produisit que trop tôt des indices d'une prompte dissolution. Il fit donc appeler ses tuteurs, et la rage qu'il avait presque suffoquée s'était un peu apaisée. Dès que minuit sonna, il raconta avec calme ce que le lecteur vient de lire et expira immédiatement après ce récit. Ses tuteurs se hâtèrent de voler au secours de Miss Aubrey. Mais il était trop tard. Lord Ruthven avait disparu et le sang de son infortunée compagne avait assouvi la soif d'un vampire. Ainsi s'achève Le Vampire de Lord Byron.